Je disais souvent à Alice que je l'aimais. Je disais souvent à Alice que je l'aimais trop. Ce trop l'intriguait. Ce trop lui semblait être une notion négative. Ce n'est pas très bon d'aimer trop. J'essayais de la rassurer, mais elle avait raison. J'étais complètement paniqué, incapable de gérer tous ces paquets d'émotions qui déferlaient dans ma tête. Je savais déjà que j'allais merder un jour. Je n'avais pas de recul, je ne relativisais rien. J'ai toujours été assez solitaire, là j'étais dépendant. Ses absences étaient douloureuses. Loin d'elle, je ne faisais que survivre dans un univers parallèle sans goût.